du bar. Ayrton. D'ailleurs, que de nulle part. Personne ne vient d'ailleurs que de nulle part. On peut se retrouver couronné de vide. Il y a plus de vide que de matière, même plus calme. Je suis qui? Plus qu'une seule souris qui tourne dans la pièce. Et toi qui tu es? Pour me souvenir de moi, je me suis fait oublier. Il n'y a pas de résurrection, aucune pitié, aucun pardon. Si l'homme t'emmène et que je ne peux te voir, que sert ici mon corps et ma vie? Humanité pourrie, l'amour, tous ces sentiments disloqués, tous là. Au même moment, un instant, grâce à un instant. Et tout retombe à plat, et nous âmes dans le pont, tout au fond. Personne ne vient d'ailleurs que de nulle part, peut se retrouver couronné des visages. On ne peut que souffrir, à se perdre dans nos souvenirs, à tenter de retrouver l'amour qui un jour fut à soi, qui un jour était là, et on ne le voyait pas, même pas, t'es juste là, toi, toi, personne, personne, personne ne vient d'ailleurs et de nulle part. Personne, personne, personne ne vient d'ailleurs et de nulle part. Personne, personne ne vient d'ailleurs et de nulle part. Non, personne. Personne ne vient d'ailleurs et de nulle part. Non, personne. Personne ne vient d'ailleurs et de nulle part, sans faire personne.